Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, une affaire qui, 100 ans après, n'a toujours pas été élucidée. 1918, on a tiré sur Lénine. Je m'appelle Fanny Kaplan. J'ai tiré sur Lénine aujourd'hui. Je l'ai fait volontairement. Je ne dirai pas d'où provient le revolver. Moscou, le 30 août 1918. Cette jeune femme de 28 ans qui répond bravement aux agents de la Tchéka, la nouvelle police politique, a tiré quelques heures plus tôt sur Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, sans réussir à le tuer. Comment a-t-elle osé ? Lénine, le leader charismatique qui depuis presque un an incarne la révolution d'octobre. 4 jours plus tard, Fanny Kaplan est exécutée d'une balle dans la nuque, sans procès ni jugement. Son corps brûlé afin qu'il n'en reste aucune trace. Et le 5 septembre, le pouvoir bolchevique lance la sanglante terreur rouge. C'est l'histoire de Fanny Kaplan que je vais raconter ce soir. Ou du moins que je vais essayer de raconter, tant cette histoire, 100 ans après, demeure semée de mystères. Qui était Fanny Kaplan, la Charlotte Corday de la Révolution russe ? A-t-elle agi seule ? Mais surtout, est-ce vraiment elle qui, le 30 août 1918, a tiré sur Lénine ? France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Stéphane Courtois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du communisme. C'est vous, on s'en souvient, qui aviez dirigé le Livre noir du communisme en 1997, un livre qui avait beaucoup marqué les esprits. Vous venez de publier une nouvelle biographie de Lénine, « Lénine, l'inventeur du totalitarisme », publié chez Perrin. Un livre qui, en ce 100e anniversaire de la Révolution russe, selon vos propres mots, va peut-être déboulonner le mythe du grand et bon Lénine. Déboulonner, disons que je fais mon travail d'historien et que le livre que je donne au public donne de Lénine une image qui n'est peut-être pas celle qui a été colportée depuis 1917 par un immense travail de mythologie, de culte de la personnalité, l'embaumement du corps, la mise dans le mausolée, l'adoration par les foules, et puis une quantité d'autres initiatives, les prix Lénine, les drapeaux Lénine, etc. Donc voilà, il y a une immense légende d'un bon Lénine, qui a été l'initiateur de cette révolution bolchevique, hein, bien distinguer la révolution de février 1917 démocratique de la révolution d'octobre menée par Lénine et qui en fait lance une révolution d'un autre type puisque ça va aboutir à la création d'une part du premier régime communiste de l'histoire et d'autre part du premier régime totalitaire de l'histoire. Donc voilà, simplement, dès qu'on creuse un tout petit peu et qu'on sort de la mythologie, qu'on reprend de près tous les écrits de Lénine, et qu'on bénéficie maintenant, depuis l'effondrement de l'URSS, des archives qui ont révélé énormément de choses. Et d'ailleurs, vous l'avez cité dans le Livre noir du communisme, mon collègue Nicolas Werth avait déjà donné un chapitre sur la période 1917-22, où il y avait énormément de révélations sur la véritable responsabilité de Lénine, en particulier dans les questions de la terreur. Alors ce soir, avec vous, c'est l'attentat contre Lénine qu'on va s'intéresser, un attentat qui est aussi un moment clé de l'histoire de la Révolution et de la Russie. L'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence fin 1917. Pour bien comprendre, Stéphane Courtois, pourriez-vous nous rappeler où en est la Russie à ce moment-là ? La Russie est en piteux état, il faut bien le dire, depuis la fin de 1916, à cause de la guerre qui a poussé le pays dans des très grandes difficultés. Oui, c'est la Première Guerre mondiale, donc la Russie est alliée de la France et de l'Angleterre contre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Absolument. Et donc elle est dans une situation déjà difficile à la fin de 1916, qui va provoquer un premier mouvement révolutionnaire en mars 1917, qu'on appelle février à cause des changements de calendrier. Et puis, en novembre, le 7 novembre, exactement, Lénine va donner ordre à ses affidés, à ses adhérents, de s'emparer du pouvoir par la force à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou. Et à partir de là, il va instaurer un pouvoir qui va être de plus en plus dictatorial et qui va être symbolisé par l'interdiction de l'Assemblée constituante, qui est élue au suffrage universel fin novembre, hein, janvier 1918. Cette Assemblée est dispersée par la force. Et à partir de ce moment-là, il y a évidemment des tensions de plus en plus fortes entre ce pouvoir bolchevique et le reste de la société, que ce soit des pro-tsaristes ou que ce soit surtout d'autres mouvements révolutionnaires. Oui, parce qu'il y a des partis révolutionnaires qui sont encore là. Il n'y a pas que les bolcheviks, il y a également les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, on va en entendre parler là, les SR, SR de droite, SR de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qui sont ces partis et ce qui les distingue? En fait, il y avait deux grands partis, je dirais, avant 1917, ou au moment où la révolution éclate. Il y avait le parti socialiste russe, et il y avait les socialistes révolutionnaires. Alors, le parti socialiste russe, il est partagé entre les bolcheviks et les mencheviks. Les bolcheviks, c'est Lénine qui mène l'affaire, les mencheviks, c'est Martov, et ils sont en conflit, mais en même temps, ils sont aussi relativement proches. Et ils visent essentiellement une propagande chez les ouvriers. Alors que les SR, eux, s'occupent des campagnes. Ils sont surtout implantés dans les campagnes, assez peu dans les villes. Et donc là, on va avoir des conflits qui vont apparaître dès le printemps 1918, très fortement, entre ce pouvoir bolchévique qui est surtout dans les villes, et qui se veut... Alors, Lénine avait au départ, le 8 novembre, créé un conseil des commissaires du peuple où il n'y avait que des bolcheviks. Bon, finalement, il a été obligé de s'associer une fraction des socialistes, qu'on va appeler socialistes révolutionnaires de gauche, qui ont accepté de gouverner avec lui, jusqu'au moment où ça va claquer. Quant aux socialistes révolutionnaires de droite, eux, ils sont ouvertement anti-bolcheviks, et ils veulent faire tomber ce pouvoir. Donc on a déjà, dès la fin 1917, des tensions très fortes. C'est d'ailleurs pour ça que Lénine va créer sa police politique, la Tchéka, qui est plus qu'une police politique. Parce que sous le tsar, la police politique, l'Okhrana, arrête les révolutionnaires et les envoie à la justice. Tandis que la Tchéka, elle règle directement les problèmes à coups de revolver. Stéphane Courtois, je propose que nous nous retrouvions dans environ 30 minutes pour poursuivre cette discussion. Nous verrons notamment comment, en l'espace de quelques mois, Lénine a créé les conditions d'une dictature du prolétariat ou peut-être inventé le totalitarisme. Tout de suite, 1918, on a tiré sur Lénine, un texte de Sharif Gattaz, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation, Sophie Houde-Picon. Huit heures. Déjà ? Faut que je me lève, moi. Faut que je bouge et vite. Sinon, les camarades débuteront la réunion sans moi. Ah, ma tête. Et il sera trop tard pour me faire entendre. Trop tard pour dire ce que je pense de la politique menée par Vladimir Ilitch et ses traîtres de bolcheviks. Grigori, Maria et les autres vont ordonner à chacun de se tenir tranquille, de ne pas faire de vagues, comme d'habitude, en attendant que le parti nous mette sur la touche, dans le meilleur des cas. Cette migraine insupportable. Où est-ce que j'ai rangé ces fichus comprimés? Ah, les voilà. Allez, en route. Moscou, décembre 1917. Plus d'un mois déjà que les bolcheviks ont pris le pouvoir. Fanny Kaplan quitte l'appartement communautaire qu'elle occupe avec son amie Alexa. Fanny, où vas-tu encore? Tu dors pas? Tu vas le rejoindre? Il est tôt, rendors-toi. Dis-moi la vérité. Mais non, mais qu'est-ce que t'imagines? Je vais au dispensaire, j'ai besoin de comprimés pour mes maux de tête. Tu trouves vraiment que j'ai l'air d'une fille qui va rejoindre son amant? Tu souffres? À ton avis? Beaucoup? Affreusement. Tu as vomi? Il est tôt, Alexa, on parlera tout à l'heure, d'accord? Tu es fiévreuse? Je ne sais pas. Fais voir. Ça va, je t'assure. Tes yeux? Comme toujours. Ça ne va pas changer, tu sais. Je peux aller au dispensaire à ta place, si tu veux. Non, non, pas question. Toi, reste ici, repose-toi. Fais-nous du feu, tiens. Il fait si froid dans cette baraque. Je serai de retour dans une heure. Deux, peut-être. Bon, comme tu voudras. Fanny. Quoi? Je sais que tu ne vas pas le voir, mais... Enfin, si jamais le hasard mettait sur ta route le docteur Oulianov, je te prierai de bien vouloir lui demander des comptes sur les agissements de son frère, Lénine. Demande-lui pourquoi les gens crèvent de faim dans les rues. Pourquoi il n'y a ni pain, ni eau, et pourquoi le typhus se propage dans tout le pays sans que... Alexa. Et aussi pourquoi? Pourquoi quoi? Je dois y aller, là. Je vais acheter des médicaments, d'accord? Aucune chance de croiser le docteur Oulianov. Quant à son frère Lénine, tôt ou tard, il devra répondre de ses actes devant les paysans et les ouvriers. Et ce jour-là... Bon, j'y vais. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Fanny, tu n'as rien mangé. Je n'ai pas faim. Fanny Yefimovna Rotman, dite Fanny Kaplan, est la fille de parents juifs qui avaient fui à l'étranger pour échapper aux persécutions de l'Okhrana, la police secrète du tsar. Elle n'était encore qu'une adolescente lorsqu'elle avait rejoint les mouvements anarchistes. Arrêtée pour avoir tenté d'abattre un fonctionnaire de Nicolas II, elle fut condamnée à 11 ans de travaux forcés en Sibérie. C'est là qu'elle avait fait la rencontre d'une personnalité très influente au sein du Parti socialiste révolutionnaire, la légendaire activiste Maria Spiridonova, qui devint son mentor et l'encouragea à militer à ses côtés. Si la révolution ne tue pas les fous, alors les fous finiront par tuer la révolution. Je me demande qui est le plus fou, nous ou vous, monsieur Lénine. Dans le froid glacial qui gèle le cours de la Moscova, Fanny Kaplan traverse à grands pas les quartiers populaires où la vie n'est que misère et désolation depuis le début de la guerre. C'est pour voir les gens vivre dignement que je me bats, pas pour les voir crever de faim. Après une longue marche, elle rejoint enfin la rue Léontief, où siège le Parti socialiste révolutionnaire de gauche, allié de Lénine et des bolcheviks. Dans cet immeuble étroit à la façade austère, une réunion de crise doit se tenir dans quelques instants pour discuter du sort à donner à la guerre. Que va-t-on décider ? Tandis que Lénine et Trotsky sont partis à Brest-Litovsk entamer des négociations de paix avec les empires d'Europe centrale. Et ouvrez les yeux, mais... Camarades ! Je dis qu'à l'heure où nous parlons, une paix indigne de notre combat est sur le point d'être négociée par Lénine et Trotsky. À l'heure où je vous parle, mes très chers camarades, nous sommes sur le point de capituler. Et alors, quoi ? Sans réagir ? Que l'on se couche devant les ambitions des bolcheviks ? Ambition jusqu'ici adroitement dissimulée par le camarade Lénine, mais qui, à chaque jour qui passe, se révèle de plus en plus claire et contraire à la lutte que nous menons depuis fort longtemps, depuis toujours. S'il vous plaît. Merci, Boris. Merci. Comme toujours, le camarade Boris parle avec son cœur. Et nous lui en sommes reconnaissants. Mais l'heure est trop grave, mes amis. Je ne suis pas convaincu que de réfléchir avec notre cœur suffise à nous mettre sur la voie de la victoire. Car il s'agit de faire un choix important, un choix historique, un choix qui scellera à coup sûr l'avenir de notre révolution et de notre parti. Et quoi ? Oui ? Se coucher alors ? Accepter un traité de la honte ? C'est ça le choix que tu nous proposes de faire, Grégory ? Je t'en prie, Boris, nous t'avons écouté parler sans t'interrompre. Je te demande à présent d'en faire autant. Il ne s'agit pas de se coucher, Boris. Capituler devant l'impérialisme allemand, tu appelles ça comment, toi ? Que la guerre continue ? Combien de temps encore pourrons-nous contenir les armées ennemies qui se pressent à nos frontières ? Combien de morts encore devrons-nous pleurer ? 1,7 million cadavres, ça ne te suffit pas ? Je sais, Grégory. 2 millions de prisonniers, 3 millions de blessés. Le peuple n'en peut plus. Nous perdrons si ça continue, Boris. Dire ça. Mes amis, voilà des mois que nous travaillons côte à côte avec Lénine et les bolcheviks. Cette ligne politique nous a conduit à nous séparer de l'aile droite de notre parti. Et jusqu'à présent, on peut dire que nous avons agi de la meilleure des façons. Non. Et après ? Nous devons continuer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire soutenir Lénine et Trotsky quand ils disent qu'aucune autre solution n'est envisageable. Non. Si nous voulons sauver la révolution. Nationale et non plus internationale alors. Moi je pense que nous devons au contraire refuser cette paix. Parce qu'elle est pire que la guerre, Grégory. Ne le vois-tu pas ? Si nous signons un traité de paix, nous signons dans le même temps la fin d'un rêve. La fin d'un projet qui n'existe pas seulement pour nous, Russes, mais pour tous les peuples à présent. Je vous le dis... En croyant sauver la République des Soviets, nous perdons tout espoir de révolution internationale. L'Allemagne aura gagné bien plus qu'une guerre, camarade. Elle aura étouffé dans l'œuf un élan qu'elle craint encore aujourd'hui. Lénine et Trotsky sont nos partenaires. Et nos partenaires nous ont donné leur parole. Ils négocieront avec l'ennemi une paix sans annexion ni indemnité. Vous les croyez ? Qui tu es, toi ? Mon nom est Fanny Kaplan. Je connais cette jeune femme. Je la connais bien. On t'écoute, Fanny. Parle librement. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Je demande simplement au camarade Grégory. Tu les crois, camarade ? Tu crois vraiment en la parole de Lénine et Trotsky ? Peu importe qui je crois. Je dis qu'il faut rester soudés et fidèles à nos engagements avec les bolcheviks, rien de plus. Se désolidariser aujourd'hui précipiterait notre exclusion des affaires. Une erreur qui pourrait nous être fatale. Et toi, Maria Spiridonova, tu les crois ? Tu me connais. Tu sais que je crois aux idées, Fanny. bien plus que je ne crois aux individus ou aux individualités. Exact. Pour le moment, je n'ai aucune raison de douter. Mais si cette paix ne tient pas ses promesses, si les clauses du traité s'avèrent humiliantes pour le peuple russe, si elles nous font perdre tout espoir de voir se propager nos idées en Europe, alors il sera toujours temps de se défaire de Lénine, de Trotsky et de ceux qui auront bradé et sali nos idées pour conquérir le pouvoir. Mais j'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard. Bien. Je crois que je n'ai rien à ajouter pour aujourd'hui. Nous attendrons le compte-rendu des pourparlers de Brest-Litovsk. Fin de la réunion, camarades. Ah. Ça va mieux? Oh oui. Tu fais des miracles. Il faut savoir où masser. Et comment, surtout? Tu as des dons, Alexa. Hein? Mes clients me le disent tous les jours. Ah, plus à droite, là. Là? Ouais, c'est bien. Tu te mêles trop de politique. C'est à cause de ça que tu ne dors pas. À cause de ça aussi que tes névralgies ne te laissent aucun répit. Regarde-moi. Je suis pauvre, je ne possède absolument rien, mais j'ai un corps de rêve et de l'énergie à revendre. Moi aussi, j'avais de l'énergie à revendre avant que l'Okhrana ne m'envoie croupir dans un camp de travaux forcés. Tu n'en parles jamais. Ce n'est pas une très belle histoire à entendre, tu sais. Oui, bien sûr. Mais peut-être que de te confier t'aiderait à chasser ce terrible souvenir. Je ne crois pas. À l'éloigner un peu. Tu veux vraiment le détail des tortures que les Cosaques nous faisaient subir, à Maria, à moi et aux autres filles? Si ça peut t'apaiser, je suis prête à tout entendre. Pour peu que ça te redonne la joie de vivre. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai toujours été vieille et aveugle? Tu n'es pas vieille. Peut-être, mais je suis aveugle. Pas tout à fait. À ce propos, que dit le docteur Oulianov? Tu es têtue, hein? Ça. Allez, qu'est-ce qu'il dit, le beau Dimitri? Quand t'as une idée dans la tête... Alors? Je ne tiens pas à revoir Dimitri pour le moment. Ah oui? Et pourquoi ça, je te prie? Nous sommes... comment dire? Fâchés? Non, pas fâchés, mais... Il a fait quelque chose? Pas vraiment. Dis quelque chose, alors? C'est que... il voue une admiration sans borne à son frère Vladimir Ilitch et... Et ça t'agace? Oui, parfaitement, ça m'agace. Aïe. Ah oui. Plus en bas. Ouais. Là? Je ne comprends pas pourquoi, sous prétexte qu'il s'agit de son frère, il se fait un devoir de fermer les yeux et de perdre toute notion d'objectivité sur la politique menée par les bolcheviks, Lénine en tête. Peut-être qu'il y croit, cette politique. Tu es drôle. Tu ne t'es jamais posé cette question? Il ne peut pas cautionner les manœuvres de Lénine. On ne peut pas cautionner ses manœuvres. Personne, c'est impossible. Tu sembles si sûr de toi. Au contraire, je suis rongée de doutes, de questionnements. Et j'ai peur aussi. De quoi? De l'avenir, de demain. Moi, je ne réfléchis pas à toutes ces choses qui vous occupent, vous, les intellectuels. À chaque jour suffit sa peine. Et puis... Je crois qu'au fond... ce que cherche Lénine en mettant un terme à la guerre, ce n'est pas que le sang russe cesse de couler. Pour ma part, je trouve très bien qu'elle s'arrête, cette maudite guerre. Mes deux jeunes frères sont morts en combattant au front en 1916. En fait, tous les hommes de ma famille sont soit morts, soit prisonniers. On veut la paix. On la veut, Fanny. Plus que tout et par tous les moyens. Je comprends ton sentiment, Alexa, mais il faut penser aux conséquences. C'est très simple. Vivre en paix. Les voilà tes conséquences. C'est bien joli, mais c'est faux. Lénine pourrait très bien jouer un double jeu et signer une paix aux frontières pour gagner du temps et en profiter pour se débarrasser de ses opposants à l'intérieur du pays. Tu ne l'aimes pas, hein? Je me méfie de lui et de son projet. C'est tout. Tu n'as pas toujours dit ça? Quand les bolcheviks t'ont libéré du camp en Sibérie, tu n'étais pas aussi... C'était différent. Ah, ça fait mal, là, un peu. Ouais. Mais les choses évoluent. Et à présent, je vois clair dans son jeu. C'est reparti. Tu es devin maintenant? Tu te prends pour Rasputin? Il a déjà commencé à avancer ses pions, tu sais. Il ordonne des arrestations. Préventives, dit-il. Fait interroger à tour de bras. Emprisonne, sans procès. Il crée une police politique plus répressive encore que celle du tsar. Et nous, on regarde, sans réagir, On laisse faire. Mais il y a des membres de votre parti dans la Tchéka, je te signale. Je n'ai jamais dit que j'y étais favorable. Ah, parfait, là. Ah. Tu vas voir. Il va interdire l'impression des journaux qui critiquent sa politique. Ce n'est qu'une question de semaines, de jours peut-être. Tu as raison. Fous-toi de moi. Non. Tu as raison, je le pense vraiment. C'est pour ça que tu dois te tenir à l'écart de tout ce remue-ménage, Fanny. Pas question. C'est très dangereux, tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Je me fous du danger, Alexa. Pas moi. Et je tiens à toi. Tu es mon amie. Tu sais d'où proviendrait tout cet argent dépensé pour la propagande de Lénine ? Comment veux-tu que je le sache ? Je te rappelle que je sors d'ici uniquement pour faire des passes. Je ne me mêle pas de ces histoires, moi. Je me tiens tranquille, à carreau. Les jambes écartées, c'est ça ? Pardon, je ne voulais pas te blesser. Excuse-moi, Alexa. Tu ne dis que la vérité ? J'ai été maladroite, pardonne-moi. D'accord. N'empêche que c'est en écartant les jambes, comme tu dis, qu'on parvient à acheter du bois pour se chauffer. Parce que si je comptais sur tes grandes idées révolutionnaires, ça fait bien longtemps qu'on serait mortes de froid toutes les deux. Et de faim aussi. Alors ? Quoi alors ? Ben, d'où il vient son pognon, camarade Oulianov ? D'Allemagne, figure-toi. Du gouvernement allemand. C'est pas la meilleure, ça ? C'est vrai. C'est une rumeur qui court. Mais bon, le vent se lève bien quelque part, non ? Ah oui, c'est bien là, l'épaule. Les craintes de Fanny s'avèrent justifiées. Le 3 mars 1918, la paix est signée à Brest-Litovsk. Les clauses du traité sont très loin d'honorer les promesses de Lénine. Il avait juré de ne pas brader la terre russe. En réalité, c'est l'Ukraine, la Finlande, les Pays-Baltes et une partie du Caucase que Lénine vient de céder à l'Allemagne. Il avait promis que nous ne payerions aucune indemnité. C'est en fait 94 tonnes d'or que la République des Soviets s'est résolue à payer. Ce revirement provoque la fin des alliances politiques et le début d'une guerre sans merci pour la conquête du pouvoir. Le camarade Lénine vient de détruire tous nos espoirs de voir se dresser l'internationale de tous les pays. Par cet acte antirévolutionnaire, il vient d'étouffer nos cris, de casser la pointe de nos flèches, d'éteindre la flamme de liberté qui brûle en nous. Au printemps 1918, la contestation s'intensifie. Malgré les appels au calme de certains dirigeants, des socialistes comme Fanny Kaplan jurent de venger la voix du peuple. Les rues de Moscou et de Pétrograd sont envahies de manifestants, de grévistes, d'hommes et de femmes qui vont, vêtus de haillons, un bâton à la main, scander leur colère, réfutant aux leaders bolcheviques le droit de détenir seul un pouvoir conquis par ruse. Ils s'insurgent aussi contre la misère à laquelle Lénine s'est révélé incapable de mettre fin. Lorsque s'ouvre le 5e congrès des soviets, le 5 juillet 1918, au théâtre Bolchoï, la tension politique est à son comble. Fanny, tu viens, je te mets tes gouttes. Oh, mais, comment veux-tu que j'y arrive si tu fermes les yeux ? Mais je ferme pas les yeux. Si tu les fermes. Ouvre les yeux, bon sang. Comme ça ? Non, là, tu les entrouvres. Ce n'est pas suffisant. Là, c'est bon ? C'est pas vrai. Impossible d'appliquer les gouttes. Oh, quelle chauchotte, alors ! Bon, allez, vas-y. Arrête de bouger, Fanny. Tu remues la tête, maintenant. Oh, bravo, je te félicite. Tu es tellement tendue. Mets-toi à ma place. Je ne veux pas me mettre à ta place. On fait quoi maintenant ? Je n'en sais rien. Et je m'en fous. De toutes les façons, ces gouttes ne me font plus aucun effet. Je retourne au dispensaire demander un autre flacon. Voilà. Bonjour. Bonjour, j'allais justement frapper à votre porte, mais... Vous cherchez quelqu'un ? Je peux vous aider, peut-être ? Boris ? Je te croyais au Bolchoï. Tu connais ce beau jeune homme ? Oui, oui. Va au dispensaire, je t'attends ici. Cachotière. Va, je te dis. Bon, bon, très bien, je m'en vais. Entre, Boris. Qu'est-ce que tu fais là ? Je reviens tout juste du Bolchoï. Alors, que dit le 5e congrès ? Fanny, c'est la catastrophe. Que dit le 5e congrès ? Tu aurais quelque chose à boire? De l'eau? Non, un remontant plutôt. Un fond de vodka? Parfait. La bouteille est sur la table. Bon, tu veux bien me dire à présent? Il y a tout le monde là-bas. 900 députés ont répondu à l'appel. Quand Lénine est monté à la tribune, on s'est tous mis à hurler « À bas la paix de Brest-Litovsk ». Il y avait ce chien d'ambassadeur allemand, Mirbar, dans sa loge, alors on a tous crié « À bas les laquais de Mirbar ». Et qu'a dit Lénine? Celui-là, il a rejeté en bloc toutes nos demandes, absolument toutes. Et à quoi vous vous attendiez? C'était écrit d'avance. Quand on a parlé d'une assemblée constituante et d'un appel au suffrage populaire, il a dit que c'était du crétinisme et rien de plus. Il m'a accusé personnellement d'être l'un des instigateurs de ces mesures contre-productives. Quel con. Est-ce que quelqu'un lui a rappelé que toute la presse bourgeoise d'Allemagne et d'Autriche le soutient? Maria s'en est chargée. Évidemment. Maria a été fantastique. C'est vrai? Fantastique. Tout le monde s'est tu quand elle a pris la parole pour s'adresser à Lénine. Elle a parlé pendant près de 2 heures et pas un bruit dans l'assemblée, rien. Elle a critiqué vivement, sauvagement même par moments, le chemin emprunté par les bolcheviks. C'était... Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai réussi à quitter le théâtre. Mais les autres, Maria, Komkov et d'autres députés, ils n'ont pas pu partir. Les bolcheviks les retiennent en otage à l'intérieur. Je ne comprends pas. Mais c'est pourtant clair, ça veut dire que Lénine est en train de faire un tour de force, Fanny. Il a déjà signé des centaines de mandats d'arrestation. C'est une traque en bonne et due forme. Nous sommes tous en sursis. Lénine cherche à faire le vide. Le traître. Ouais, comme tu dis. Et toi, que vas-tu faire? Je peux rester ici. Bien entendu. Juste ce soir, demain je... Ne sois pas bête, Boris. Tu restes le temps qu'il faut. Et ton amie? Alexa? Elle vit avec toi? Ne t'en fais pas, je vais lui expliquer. Non mais c'est trop risqué ça. Non, tu n'as pas le choix. Mais elle est sûre, je veux dire, qu'on peut avoir... Une totale confiance. Elle déteste la politique. C'est pour ça que je vis avec elle d'ailleurs. Je lui fais confiance plus qu'à moi-même. Pour les dirigeants socialistes extrémistes, l'heure de la confrontation a sonné. Il faut frapper fort. Qui en Russie représente le militarisme allemand? L'ambassadeur Mirbar. Qui en Russie, selon eux, manipule Lénine? L'ambassadeur Mirbar. C'est décidé. Le 6 juillet, à 3h de l'après-midi, Blumkin et Andreïev, deux activistes socialistes révolutionnaires, assassinent le comte Mirbar de plusieurs tirs de Browning. Le parti revendique cet acte terroriste et décide d'aller plus loin. Le lendemain, 1800 partisans s'emparent du central téléphonique et télégraphique et appellent la population à l'insurrection générale. Le Kremlin est encerclé et bombardé. Les combats se poursuivent dans Moscou, à proximité des casernes et dans la rue Léontiev, près du siège du parti où se sont réfugiés certains leaders SR. Mais Lénine tient bon. Après 48 heures de lutte acharnée, pris en étau, les socialistes doivent se rendre. Au soir du 8 juillet, 1000 personnes sont arrêtées pour être jetées en prison ou fusillées sur le champ. C'en est fini de l'insurrection. La purge, c'est ça qu'il veut. Et dire qu'il était minoritaire il y a encore quelques semaines, quelques mois à peine. Nous sommes des idiots de l'avoir laissé faire. Il nous tient. Et il va tout faire pour asseoir encore davantage son pouvoir sur ceux qui ne pensent pas comme lui. Et moi, Fanny Kaplan, je regarde, je commente, je suis spectatrice d'un spectacle nauséabond et je reste là, comme paralysée. Je suis pathétique. Boris. Boris, vous dormez? Boris, vous n'avez pas froid de ce côté? Je peux peut-être venir me blottir contre vous. On se réchauffera. J'entends tout, Alexa. Ben quoi? Et alors? Rien. Mais si tu pensais être discrète, c'est raté. Dors au lieu de saliver sur ma vie privée. Saliver? Moi? Bonne nuit. Saliver? Moi? Des vers. Camarade Kaplan? Camarade Grégory? Pouvons-nous parler un instant? Maintenant? Entre. Tu sais manier une arme, camarade? Oui. Enfin, un peu, disons que... Tu as oublié comment t'y prendre? C'était il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Non, je crois que je saurai encore. C'est parfait. Les temps sont durs, Fanny. Très durs pour la Russie, pour le peuple. Le pays connaît des bouleversements. À même de changer le cours de l'histoire. Camarade, on te croyait prisonnier des bolcheviks? Lénine a trop besoin de moi, pour le moment. Il sait que j'ai les coudées franches au sein de la police, qu'il a créée lui-même. Je vois. Où va-t-on? Nous avons une mission à te confier, Fanny. Une mission? À moi? Une mission de la plus haute importance. Une mission qui doit rester secrète. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu as passé combien d'années dans le camp d'Akatouille? 7, camarade. Tu as subi des sévices? Plus qu'il n'est possible d'en supporter. Maria m'a raconté. Ah. Sans Maria Spiridonova, je serais morte là-bas. Tu es une jeune femme courageuse et combative. Exactement les qualités requises pour mener à bien notre plan. Mes camarades Grégory, depuis que j'ai été libérée, je souffre de migraines récurrentes. Et de vertiges, n'est-ce pas? C'est ça. Je suis très affaiblie. Et j'ai aussi des crises de cécité. Soigné par le frère de notre camarade Lénine? Dimitri m'a été d'un grand secours, en effet. Sans lui, sans les soins qu'il m'a prodigués, je serais aveugle aujourd'hui. Parle-moi de ta relation avec le docteur Ulyanov. Ma relation? C'est-à-dire? Vous n'avez pas un simple rapport de médecin à patient. Tu peux parler en toute confiance, Fanny. Dimitri et moi avons été intimes, c'est vrai. Mais c'est fini à présent. Justement. Non. Ah si, si, je vous assure. Nous ne sommes plus... Il te faudra renouer le contact avec le docteur Ulyanov. Mais pourquoi? Il faut le revoir, Fanny. Autant de fois que nécessaire. Afin de recueillir des informations. Quel genre d'informations, camarade? Arrête la voiture. Écoute-moi bien. Nous voulons que tu tues Vladimir Ilyitch. Qu'est-ce que vous avez dit? Lénine a trahi notre révolution. Et si on le laisse faire, on risque de perdre tout ce qu'on a bâti. Nous voulons que tu le tues. Et c'est ce que tu souhaites ardemment, toi aussi. Et c'est à moi que vous avez pensé pour accomplir une tâche de cette gravité? Tu peux beaucoup plus que tu ne le crois, Fanny. Moi? Une ex-anarchiste à moitié handicapée, et dont le seul fait d'arme est d'avoir tiré sur un fonctionnaire du Tsar, il y a de ça très longtemps? Ce n'est pas sérieux, camarade Grégory. Réfléchis. C'est justement parce que personne ne se méfie de toi que tu peux être très utile. Ta force est de ne pas éveiller le soupçon ni la crainte. En plus, tu as été la maîtresse de son frère. Lénine doit mourir. Et c'est toi, Fanny Kaplan, qui va l'exécuter. Compris? Mais comment? Je veux dire, Lénine a une garde rapprochée qui le suit, l'entoure, le protège en permanence, jour et nuit. Il a déjà échappé à des tentatives d'assassinat, non? Alors c'est comme demander à... Je ne sais pas, moi, mais c'est impossible, je n'y arriverai pas. Seule, moi? Comment je ferai? Hein? Tu ne seras pas seule. Nous serons là. Nous sommes là, Fanny. Et nous aussi, nous allons te protéger. Descends, camarade. Tu es arrivé. Mais où sommes-nous? Tu ne reconnais pas l'entrée de l'immeuble où le docteur Ulyanov dispense ses consultations? Si. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je veux connaître les déplacements de Lénine au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Savoir où il va, à qui il s'adresse, etc. Obtiens le plus de détails possible sans jamais éveiller de méfiance. Informe-moi autant que tu pourras. Et au moment venu, je te remettrai ton arme. Au travail, camarade agent Kaplan. Поехали. Les semaines suivantes, les opposants de Lénine réclament la dissolution de l'armée rouge et de la Tchéka. Une fois de plus, Lénine les ignore. Fanny fait partie des rares militants SR à avoir échappé à la rafle punitive au Bolchoï. Mais vers qui se tourner à présent? Il ne lui reste rien, sinon les injonctions du camarade Grigori. Oh, твою мать, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, essaie encore. Non, raté! Avec des agents comme toi, les bolcheviks peuvent courir tranquille. Encore! Allez, ma vieille. Concentre-toi, bon sang. Tu peux y arriver, allez. Allez, c'est pour les paysans trahis. Mieux! Je l'ai eu? Dans l'épaule. Pas suffisant pour abattre un tel homme. Cette fois, c'est la bonne, camarade. Oui! Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux même. Mais quoi? Lénine n'a pas l'intention d'avoir d'autres enfants, Fanny. Et donc, lui tirer dans les couilles, on ne débarrassera pas de nos emmerdes. Il faut tirer plus haut. Mes yeux, camarade. Je sais, tes yeux, tes migraines, ta cécité, tes pertes d'équilibre. Je sais tout ça, Fanny. Tu n'as qu'à penser que lorsque tu es devant la cible, tu lèves ton canon de 15 bons centimètres. De cette façon, tu es sûr de faire un cadavre et pas un handicapé dans un fauteuil, encore apte à gouverner et à nuire. Compris? Compris, camarade. Bon. C'est à toi de jouer à présent. Mes hommes seront derrière toi, planqués. Où ça? Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais ils seront là. Je te l'ai dit. Au cas où? Oui. Je te l'ai dit, Fanny, nous serons là pour te protéger. Bon. Et pas un mot. À personne. Tu m'entends? Bien sûr. En voiture. Rentre. Le 30 août 1918, à la nuit tombée, Lénine se trouve à l'usine Mirelson, située dans le vieux Moscou. Après avoir expliqué aux ouvriers que la démocratie n'est qu'un leurre et qu'ils doivent travailler plus durement encore, Lénine achève son discours par de nouvelles injonctions à briser les ennemis de la révolution. Parler, argumenter, haranguer, comme il sait bien le faire. Je me fais toute petite. Je le regarde, cet homme qui ment. Il ment bien, sans perdre le contrôle de ses émotions. Je regarde ces hommes massés à ses pieds, ces ouvriers fatigués, laminés par le travail, par la guerre, par les promesses, par le froid et la faim. Je les observe. Je le sais, ils attendent autre chose que ces belles promesses de lendemain qui chantent. C'est comme une légende, un conte qu'on raconte sur ce qui se passerait très loin, à des milliers de kilomètres de leur usine. Je suis prête, je le sens. Prête à faire ce que je suis venue faire. Tirer sur Vladimir Ilitch Ulyanov. Tandis que Lénine rejoint sa voiture parquée dans la cour de l'usine, plusieurs coups de feu retentissent. On crie, on accourt, on fuit, on se rapproche, on se disperse. Lénine est touché. Il gît à terre. On le hisse comme on peut sur la banquette arrière d'une voiture qui démarre et file à toute allure dans la nuit en direction du Kremlin. Est-ce que j'ai tiré? Est-ce que c'est moi? Grigori, où es-tu? Je ne vois rien, il fait trop sombre. Je ne vois rien. Camarade, à l'aide, au secours. Pourquoi m'emmène-t-on? Et où? Est-ce qu'on va me porter en triomphe? Est-ce qu'on va me rouer de coups avant de me jeter en prison? Ma tête me fait mal. Mes yeux me font mal. Mon corps tremble. Alexa, je t'ai menti quand je t'ai dit que j'allais au dispensaire. C'était faux. J'ai quitté notre refuge pour abattre un traître à la Révolution. Et voilà. C'est chose faite. Je l'ai vu tomber. Oui, il est tombé là, sous mes yeux, juste sous mes yeux. Ma douce Alexa, jure-moi que tu resteras mon amie. Jure-le. Je n'ai personne sauf toi. Où va-t-on? Pourquoi me traîne-t-on comme un chien? Est-ce que j'ai tiré, moi? Mais qui êtes-vous? Pourquoi m'interrogez-vous? De quel droit me posez-vous toutes ces questions? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que la vraie révolution du peuple peut continuer à présent? Je ne dirai rien, rien du tout. J'ai agi seule. Personne ne m'a aidé, personne, vous entendez ? C'est moi qui ai tiré. Je l'ai fait pour débarrasser la Russie de celui qui l'opprime. Est-ce que ça ira comme ça ? Est-ce que cette version vous satisfait ? Oui ? Alors c'est parfait. Je n'ai rien à ajouter. Finissons-en. On a tiré sur Lénine de Sharif Gattaz avec Fanny Kaplan, Hélène Viviès, Alexa, Agnès Pontier, Boris, Emmanuel Noblet, Grigori, Victor Ponomareff, Maria Spiridonova, Françoise Cousin et les voix de Benoît Lavoisier, Pierre Mignard, Valentin Capron et Manon Gallet. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Valérie Lavalard et Emmanuel Armin. Assistante à la réalisation, Claire Chesneau. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Dans quelques instants, on parle à nouveau de Fanny Kaplan et de Lénine avec mon invité Stéphane Courtois. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Arthur H., la boxeuse amoureuse dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin. À la technique, Guillaume Roux. Stéphane Courtois, nous venons donc de quitter Fanny Kaplan le 30 août 1918. Alors qu'elle a été arrêtée, elle va donc être exécutée quelques jours plus tard par la Tchéka. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cet attentat ? Ah, c'est une histoire qui devient de plus en plus compliquée et obscure. Parce ah bon, que plus pendant, on avance dans le temps. Pendant 70 ans, bon, bah, tout le monde a suivi la vulgate. Cette Fanny Kaplan a tiré sur Lénine. C'est une abominable contre-révolutionnaire. Elle a été exécutée, point à la ligne. Bon. Il se trouve qu'après l'effondrement de l'URSS et l'ouverture des archives. 1991. Un journaliste et historien russe que j'ai bien connu, Arkady Vaksberg, a publié un livre où il a sorti une version tout à fait différente en disant « Ah non, mais pas du tout. Fanny Kaplan, elle n'avait pas de revolver, elle n'a pas tiré. C'est une autre femme qui était là qui a tiré, une certaine Konopleva, Lydia Konopleva, qui était sans doute accompagnée d'un certain Grigori Semyonov, des socialistes révolutionnaires de gauche, certainement, mais Konopleva était aussi un agent de la Tchéka. Donc ah là, ça donc commence à devenir dire très compliqué. Que cet attentat aurait pu être commandité par Lénine lui-même, ou du moins son entourage. On ne sait pas. Dans on la mesure où il n'est pas mort. Ce qui est très bizarre, c'est que si on en croit Vaksberg, et personnellement je le crois parce que je l'ai bien connu, j'ai pu vérifier. Alors le problème, c'est que Vaksberg ne donne jamais ses sources dans ses ouvrages, tout simplement pour protéger son accès aux sources, parce qu'il est russe. Il fait ça dès les années 1991-92, où l'accès à ce type de documents était encore très compliqué. Mais j'ai pu vérifier un certain nombre de fois ce qu'il écrivait par mon propre accès aux archives. Donc je le crois. Il n'a pas inventé ça. Il a vu des archives qui expliquaient ça. Ce qui est très bizarre, c'est que Konopleva, qui serait la véritable personne qui a tiré sur Lénine. Deux ans plus tard, trois ans plus tard, elle est réintégrée à la Tchéka, elle est acceptée au sein du parti bolchevique. Donc comment est-il possible qu'une personne qui aurait tiré sur Lénine soit reçue de cette manière? Donc ça pose beaucoup de questions. Alors il faut rappeler que ces révolutionnaires sont des professionnels, je dirais, de la clandestinité, des coups fourrés, du double langage, des provocations. Donc est-ce qu'il y a eu une tentative de provocation? Est-ce qu'il y avait des tensions même au sein du camp bolchevique? Ça n'est pas impossible, hein, mais même si elles ont été totalement masquées. Hein. En tout cas, c'est assez bizarre parce que Lénine donc, est blessé à l'omoplate et avec une balle qui traverse le cou. C'est très bizarre. Alors, avec quelle arme la chose a-t-elle été faite? Parce qu'il faut que ce soit un tout petit calibre. Il n'y a pas eu d'analyse balistique à l'époque. Peut-être, mais... On n'en sait rien, on n'a pas d'informations. Autre chose qui me paraît extrêmement bizarre et qui est rappelée dans votre fiction, document, c'est le fait qu'elle, c'est sa déclaration à Fanny Kaplan devant la Tchéka en disant j'ai agi seul, je ne vous dirai pas qui m'a donné le revolver. C'est extrêmement bizarre quand on sait les méthodes de la Tchéka dès ce moment-là. La Tchéka, c'était vraiment des gens féroces, il n'y a pas d'autre mot, sauvages. Il était quand même très facile de torturer cette dame et de lui faire avouer quelque chose. Autre chose étrange, le fait qu'elle soit quasiment aveugle. Pourquoi elle aurait été choisie? C'est peut-être pas la personne la plus adaptée pour aller tirer sur Lénine. Comme le récit le rapporte, elle a passé 11 ans dans un camp de travail forcé. Elle a perdu en partie la vue, vraisemblablement à cause du scorbut. Et donc, ça paraît effectivement assez bizarre, surtout que la scène se passe le soir. Donc on est déjà dans la pénombre. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments très curieux dans cette affaire. Et en matière de provocation, ce serait peut-être pas la première fois, puisque déjà au mois de juillet 1918, le 6 juillet, un socialiste révolutionnaire de gauche, qui était un cadre important de la Tchéka, Blumkin, rentre sans problème à l'ambassade d'Allemagne et assassine l'ambassadeur d'Allemagne, le comte Mirbach. Alors, on peut bien entendu considérer que les socialistes révolutionnaires de gauche assassinent l'ambassadeur allemand pour brouiller et compliquer les relations entre Lénine et les Allemands à ce moment-là. Mais on peut aussi imaginer, comme le comte Mirbach envoyait à Berlin des rapports très défavorables aux bolcheviques en disant « ces gens sont extrêmement dangereux, il faut s'en débarrasser », on peut aussi imaginer qu'il a été liquidé pour que n'arrivent plus à Berlin des rapports très négatifs sur les bolcheviques. Ce que vous expliquez dans votre livre, Stéphane Courtois, c'est que donc cette tentative d'assassinat aurait été menée uniquement pour justifier la terreur rouge qui va commencer donc le 5 septembre 1918. Ce qui est très troublant, c'est que l'attentat a lieu le 30 août vers 22h30 et que le 31 août, au petit matin, la Tchéka commence à arrêter massivement et toutes sortes de gens, et en particulier les ambassadeurs étrangers. Donc là, il se passe des choses, et immédiatement, en particulier, un certain Bruce Lockhart, qui est de l'ambassade d'Angleterre, qui est arrêté, et est amené à la Loubianka, le siège de la Tchéka. Il est interrogé par un des chefs de la Tchéka, et on ne peut rien lui reprocher. Néanmoins, la Pravda, immédiatement, lance une grande campagne contre la conspiration Lockhart, la conspiration de Bruce Lockhart, qui serait à l'origine de l'attentat contre Lénine. Donc, il y a quand même une relation très étroite, là. Mais cette terreur rouge, pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste? Il y a beaucoup de gens, il y aura des exécutions en masse qui ne vont pas toucher que les étrangers. Les Russes eux-mêmes, des paysans, des intellectuels. Non, mais dès le 31 août, on assiste à des massacres massifs en représailles de gens qui sont des otages, qui ont déjà été arrêtés par centaines à Nijni Novgorod et ailleurs. Mais ce sont encore, j'ai presque envie de dire, ce sont des réactions spontanées, entre guillemets, des bolcheviques. Par contre, le 5 septembre, Lénine prend un décret qui instaure la terreur rouge, c'est-à-dire qui vraiment officialise la terreur rouge. Et à ce moment-là, ça va être un déchaînement. C'est-à-dire qu'entre septembre et décembre, on a déjà 15 000 personnes qui sont assassinées en dehors de toute légalité, bien sûr. Elles sont arrêtées et pof, on leur flanque une balle dans la tête. C'est beaucoup plus que le nombre de gens qui ont été assassinés sous les tsars depuis le début du 19e siècle, pour raisons politiques. Donc là, il se passe vraiment quelque chose. Dans la fiction, on a entendu la SR, Maria Spiridonova. Qu'est-ce qu'elle va devenir, elle, par exemple? Alors, Maria Spiridonova, c'est le grand leader, je ne sais pas comment il faut dire maintenant avec l'orthographe inclusive, mais la grande leaderesse des socialistes révolutionnaires. C'est une femme extraordinaire qui a été arrêtée, qui a fait des camps de concentration, etc., qui a été violée par les Cosaques, etc. Hein, c'est une dure, et elle va finalement être arrêtée, bien entendu, et les bolcheviks vont finir par la déclarer folle. Ce qui simplifie beaucoup les choses. Elle va être enfermée, puis elle finira par mourir. Hein, mais on peut dire que déjà, l'usage des hôpitaux psychiatriques pour se débarrasser des adversaires politiques était engagé. Et Alexa, un personnage fictif inventé par l'auteur, Sharif Gattas, une prostituée, quel était le sort réservé aux prostituées ? Les prostituées étaient évidemment extrêmement mal vues, en particulier par Lénine. Hein. Il faut rappeler qu'avant même la prise de pouvoir, en septembre, il publie un texte où il explique que quand ils auront pris le pouvoir, ils imposeront ce qu'il appelle la carte jaune aux bourgeois, aux capitalistes, etc. La carte jaune, c'était justement la carte des prostituées, hein, que les prostituées étaient obligées de porter. On imagine évidemment quelle estime Lénine pouvait porter à ce type de personnes, mais c'était des gens du peuple. Elle le dit très bien, j'ai un corps de rêve et c'est à peu près uniquement avec ça qu'elle peut vivre. Donc c'est à ce moment-là, à votre avis, Stéphane Courtois, en 1918, que Lénine invente le totalitarisme ? Disons, c'est vraiment un des moments clés. Le premier moment clé, c'est le 7 novembre, la prise du pouvoir. Le deuxième, c'est le 18 janvier, la liquidation de l'Assemblée constituante. Et le troisième, c'est le 5 septembre 1918, l'instauration de la terreur de masse comme moyen de gouvernement. Merci Stéphane Courtois. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Lénine, l'inventeur du totalitarisme, édité chez Perrin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter, bien sûr, ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous ne changerons pas d'époque, mais vraiment d'ambiance. Nous serons en 1915 en compagnie de Marcel Proust, l'auteur de Du côté de chez Swann, vit cloîtré chez lui avec sa chère gouvernante Céleste Albaret. Alors qu'il est guetté par la maladie et par la guerre, pourra-t-il achever son œuvre à la recherche du temps perdu ? Marcel Proust et Céleste Albaret, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, bien sûr, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.